Chapitre 29. Page 203. Exercice 4. 1. Nous ne savons absolument pas où nous habiterons dans 2 mois. Nous ne pouvons prendre aucune décision. 2. L'étudiant ne se contente pas de son succès. Il a décidé d'approfondir ses études. 3. Amélie obéit immédiatement aux ordres de sa hiérarchie. 4. La pauvre Chantal travaille jour et nuit, sans arrêt. 5. C'est sur Boniface que repose entièrement le développement de ce projet. 6. Les enfants n'osent pas protester et restent prudemment silencieux.